depuis le début des années 2000, on en compte à peine 6, c'est le 6e celui-là. Alors on peut s'étonner parce que si on se souvient de nos cours de géologie, on a plutôt le souvenir que la Terre tremble aux limites des plaques tectoniques. Vous vous souvenez des plaques, c'est ces espèces de morceaux de puzzle qui sont partout sur la Terre, qui bougent les uns par rapport aux autres. Et quand ils se cognent ou quand ils se frottent les uns contre les autres, eh ben ça fait de la friction et nous, on ressent un tremblement de terre. Et nous, en France, on n'est pas sur une limite de plaques. Non, on n'est pas sur une limite de plaques, mais on a quand même des traces d'anciennes collisions, de collisions qui ont donné naissance, par exemple, aux Pyrénées et aux Alpes, et ça crée un peu plus loin des failles. Alors les failles, c'est quoi? C'est un plan contre lequel vont se frotter deux blocs rocheux. Et donc des failles, on en a un certain nombre partout en France, et il existe une carte qu'on peut trouver sur le site du ministère de la Transition écologique, de ce qu'on appelle le zonage sismique. Donc on y voit qu'il y a 37 départements qui sont recensés en France où il y a un risque sismique. En fait, un risque, ce qu'on voit sur cette carte, c'est les tremblements de terre qu'il y a eu. On ne sait pas prédire un tremblement de terre. Mais on a une échelle qui va de 1 à 5. Donc 5, c'est, il n'y en a pas en métropole, c'est dans les territoires outre-mer comme la Guadeloupe et la Martinique. En métropole, ça va jusqu'à 4, notamment dans les Pyrénées et le nord et le sud des Alpes. Alors là où ça s'est produit, on était à un niveau 3. Et ce qui est marrant, c'est qu'on n'avait jamais enregistré vraiment de séisme là-bas. On savait qu'il y en avait, on avait des traces au 18e, 19e siècle, mais pas récemment. Alors qu'est-ce qu'on sait précisément de ce qui a provoqué ce séisme? Alors on est encore en train de découvrir. Ce qui est amusant, c'est qu'il s'est produit alors que les sismologues étaient en congrès à Biarritz. Et donc leur première réaction, c'était « c'est surprenant, mais c'est pas inattendu ». Alors pourquoi c'est pas inattendu? Parce qu'on sait que là-bas, il y a une faille, une de ces failles dont je vous parlais, la faille des Cévennes. Alors c'est une grande faille qui part de la région de Montpellier et qui remonte sur la bordure ouest de la vallée du Rhône. Elle est apparue il y a 40 millions d'années avec les Pyrénées et c'est resté une zone très très fragile. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a un débat pour savoir si cette faille, elle est active ou non. Alors on a la preuve cette fois que la faille des Cévennes est active? Eh ben c'est pas si simple justement. Parce que c'est la faille des Cévennes, c'était un peu le coupable idéal. On avait ce gros trait sur la carte, on savait qu'elle était là, on savait pas si elle était active, donc c'était facile de dire « ah bah voilà, elle est active ». Mais non, parce que quand on regarde un peu plus près les enregistrements, on voit d'abord qu'il n'y a pas eu de micro-séisme avant. Et alors, ces micro-séismes, pour les grandes failles, c'est vraiment un critère important pour les géophysiciens. Un critère annonciateur, voilà. Là, il n'y a pas eu ça. Là, il y a eu vraiment à peine. Par rapport à la taille de la faille, c'est très très étrange. Ensuite, ils ont commencé à analyser les signaux sismiques, et ils ont vu que pour ce qu'on sait de ce type de faille, ça aurait dû être deux blocs qui coulissent l'un contre l'autre. Or, les traces des relevés sismiques montrent que là, c'est plutôt un qui monte sur l'autre et se chevauche. Du coup, il a fallu émettre une hypothèse, peut-être que c'est pas cette faille-là, mais une faille à côté. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que pour la première fois en France, on a fait appel à des images satellites. Ça se fait déjà dans d'autres pays, mais ça n'avait pas été encore fait chez nous. Alors, c'est très simple, on prend une photo d'avant et après le séisme, et on essaye de comparer les déformations du sol. Et grâce à ça, on a réussi à identifier très précisément la faille. Les résultats sont tombés jeudi soir. Et en fait, c'est une petite faille de 5 km qui est au sud de la commune de Teil. Et ça a permis de voir aussi en surface où est-ce que ça se passe. On a vu ce petit chevauchement sur la route. Et ce qui est marrant, c'est que c'est une faille qui n'était pas connue pour être active. Alors qu'il y en avait d'autres à côté, oui. Donc aujourd'hui, on sait que c'est cette petite faille et que la rupture a eu lieu entre 3,5 et 1 km de profondeur. Et les géophysiciens sont toujours sur le terrain à guetter les répliques. Eh oui, parce que l'analyse, elle n'est pas terminée. Ils ont mis des capteurs un peu partout. Ils vont rester encore une quinzaine de jours en essayant de comprendre vraiment exactement ce qui s'est passé. Ils regardent les petites répliques. Ils savent pas s'il va y en avoir encore d'autres. Et à côté de ça, il y a aussi un appel à témoins. Si vous, auditeurs, vous avez été témoin de ce qui s'est passé, vous pouvez aller sur le site du Bureau central sismologique français. Et là, vous y trouverez un formulaire. Et entre vos impressions à vous et les relevés des sismologues sur le terrain, on arrivera à dresser finalement la carte d'identité de ce séisme. Le lendemain, le mardi, un séisme plus faible, cette fois-ci magnitude 3, a secoué la ville de Strasbourg. Est-ce que les deux séismes, les deux événements étaient liés? Non, il n'y a absolument aucun rapport. Mais alors, par contre, ce qui est amusant, c'est que le séisme de Strasbourg, dont on ne connaît pas vraiment l'origine, on pense que c'est peut-être ce qu'on appelle un séisme induit. C'est-à-dire qu'il a été consécutif à des activités humaines. Là-bas, on fait de la géothermie. Alors, la géothermie, ça consiste à envoyer de l'eau froide dans des roches chaudes pour récupérer de l'eau chaude. Mais pour aller vraiment en profondeur, on fait ce qu'on appelle de la fracturation hydraulique. On envoie de l'eau vraiment sous pression, ça fait éclater la roche et ça crée des instabilités. Et à la suite de ça, ça peut réveiller certaines failles et peut-être que c'est un séisme induit. Enfin, l'entreprise que l'on soupçonne d'être à l'origine du séisme... Elle nie complètement, elle dit que parce qu'il n'y avait pas d'activité depuis 3 jours, mais c'est une possibilité. Et c'est une possibilité qui aussi, par nos confrères du Point, a été révélée que c'est aussi peut-être une hypothèse du travail pour le séisme de Montélimar, parce qu'il y a une petite carrière juste au-dessus. Ouais. C'est vraiment une hypothèse de travail, mais peut-être que l'humain n'y est pas pour rien. Ouais. Même pour Montélimar, ça pourrait ça avoir... Ouais, mais vraiment, là, on est encore... voilà, il faut suivre l'actualité. Très hypothétique, mais voilà, tout ça est une enquête qui se joue en temps réel. Le directeur de l'observatoire, s'il vous plaît. C'est vous, c'est moi. Ah bon, j'ai une communication très importante, monsieur. Oui, silence, mon, voyons, ne troublez pas mon collaborateur. Il est plongé dans des calculs très compliqués, il faut comprendre aussi. Ah oui, pardon, je m'excuse, je voulais simplement vous dire... Oui, bien, tout à l'heure. Bon. En attendant, si vous voulez jeter un coup d'œil par notre télescope électronique, ne vous gênez pas, mon bon, le spectacle en vaut la peine. Extrait d'une adaptation radiophonique de Tintin et l'étoile mystérieuse, Philippe Hénarejos. Un mystère vient d'être élucidé au sujet d'une étoile en passe d'être expulsée de notre galaxie. Oui, le 12 novembre, un groupe d'astronomes américains et anglais ont annoncé la découverte d'une étoile qui se déplace à 6 millions de kilomètres à l'heure. Et à cette vitesse-là, elle est en train d'échapper à la Voie lactée. Alors vous le savez, la Voie lactée, c'est notre galaxie. C'est un ensemble d'environ 200 milliards d'étoiles qui a la forme d'un disque avec des belles spirales dessinées par toutes ces étoiles. Et cette étoile donc, qui a été appelée S5HVS1, les astronomes ne sont pas des poètes, faisait partie donc de la Voie lactée. Elle en fait toujours partie, elle n'est pas très loin, elle est à 25 000 années-lumière, c'est encore dans la Voie lactée. Et comme toutes les autres, elle restait là, dans la Voie lactée, par le fait de l'attraction gravitationnelle de l'ensemble de la galaxie. Mais elle a été flashée à 6 millions de kilomètres à l'heure, et il ne fait aucun doute qu'elle est en train, à cause de cette vitesse, de vaincre aisément l'attraction de la galaxie et qu'elle va se perdre dans l'espace intergalactique. Elle va tellement vite qu'un jour ou l'autre, enfin dans quelques millions d'années, elle sortira de notre galaxie. Elle est en chemin et rien ne pourra l'arrêter. Ouais. Alors la question naturellement a été, mais qu'est-ce qui a bien pu propulser cette étoile de la sorte? Il faut savoir qu'elle va 10 fois plus vite que les étoiles les plus rapides de la galaxie. Eh bien, le cas de S5, je vais l'appeler comme ça, est intéressant car grâce aux données du satellite européen Gaïa, qui observe très précisément la position des étoiles, et aux observations du télescope anglo-australien de 3,9 m qui se trouve en Australie, les astronomes ont pu remonter sa trajectoire et elle démarre exactement à l'endroit où se trouve Sagittarius A étoile, qui n'est autre que le trou noir hypermassif qui se trouve au centre de la Voie lactée. Ce serait donc ce trou noir hypermassif qui aurait éjecté cette étoile. C'est exactement cela. L'hypothèse n'est pas nouvelle. Il existe une poignée d'autres étoiles qui, comme S5, sont en train de s'échapper dans l'espace. Ça, on le sait depuis plusieurs années. Il y a quelques hypothèses pour expliquer leur accélération. Par exemple, des explosions de supernova ou des collisions d'étoiles. Et aussi, il y avait l'idée qu'un trou noir pouvait être à l'origine de leur accélération formidable. Sauf que jusqu'à présent, il n'y avait pas de preuves. Si vous voulez, c'était des hypothèses. Alors, c'est chose faite parce que le fait que cette étoile provienne de la position du trou noir central indique que c'est lui qui l'a propulsé ainsi. Et comment il s'y est pris, ce trou noir, pour propulser cette étoile? Alors, le plus simplement du monde, par sa force de gravitation. Vous savez, les agences spatiales utilisent cette force quand ils font passer leur sonde spatiale près des planètes. Si l'on choisit la bonne trajectoire, l'attraction de la planète dévie et accélère la sonde quand elle passe à côté. On appelle cela l'effet de fronde gravitationnelle. Et c'est exactement ce qui permet d'accélérer les sondes pour les envoyer, par exemple, vers les planètes géantes qui sont assez loin du Soleil. L'étoile S5 a fait la même manœuvre, alors de manière tout à fait naturelle, personne ne l'a envoyée près du trou noir, c'est le hasard qui a fait qu'elle est passée là. Mais en passant très près du trou noir, du coup, celui-ci a une masse de 4 millions de fois celle du Soleil, donc vous imaginez, la fronde est quand même beaucoup plus costaud. C'est une fronde très puissante et donc il y a 5 millions d'années environ, S5, qui était alors sans doute lié à une autre étoile au passage, est passé au ras du trou noir. Dans l'affaire, l'étoile qui l'accompagnait a été aspirée par le trou noir et elle s'est retrouvée propulsée vers l'espace infini. Alors elle est encore chez nous, mais elle s'en va, c'est sûr. Et elle ne fera plus partie de notre galaxie dans combien de temps ? Allez, je vous donne quelques millions d'années, peut-être 10 millions d'années, elle commencera à être seule, isolée dans l'espace intergalactique. Mais c'est fréquent ça? Enfin, il y a beaucoup d'étoiles solitaires n'appartenant à aucune galaxie qui se baladent dans l'espace intergalactique? On en connaît. On voit des nuées comme ça qui ont été expulsées de galaxies par d'autres mécanismes. Parfois, c'est des collisions de galaxies. On sait qu'elles sont là, mais comme elles sont loin, individuellement, elles sont très faible, donc très difficile à détecter. Là, on l'apprend alors qu'elle est encore là, ouais. Elle n'est pas partie. Hein. Ouais, ouais. Quand elle sera loin, si on voulait la découvrir à ce moment-là, elle ne brillerait pas assez quasiment pour qu'on puisse identifier qu'elle faisait naguère partie de la Voie lactée. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, Mathieu Novak, des perroquets qui gaspillent ? Eh oui, on pensait que c'était les humains les champions du gaspillage alimentaire, mais surprise, de nombreux perroquets le pratiquent aussi. Alors, ce sont des chercheurs espagnols qui ont étudié 103 espèces dans 17 pays de perroquets, et qu'est-ce qu'ils voient ? C'est que tous, sans exception, ils prennent la nourriture, ils en mangent un peu, enfin un peu beaucoup, les trois quarts, et puis ils le jettent nonchalamment. Ils ont même vu qu'il y en a certains qui semblent juste jouer avec la nourriture et puis ils la balancent. Eh ben bravo. Et alors comment ça se fait ? Est-ce qu'ils n'ont pas peur de plus avoir rien à manger après ? Alors ils sont allés voir ça de plus près, et ils ont vu qu'ils le font moins en période de reproduction, quand il y a plus de besoins énergétiques et qu'il faut nourrir les petits, mais ils ont vu quand même qu'ils ont tendance à gaspiller des fruits quand ils sont pas assez mûrs. Alors quel est l'intérêt ? Eh ben ils ont bien compris que quand ils enlèvent ces fruits qui sont pas assez mûrs, il y a plus de lumière qui arrive sur la plante, plus de ressources pour les autres fruits, et ils se retrouvent avec d'autres fruits qui sont meilleurs et qui sont plus mûrs. Mmh. Et c'est pas la seule surprise, c'est que ça profite aussi aux autres petits animaux qui sont en bas, qui auraient pas pu monter, qui auraient pas pu croquer. Et eux, ils vont prendre ces fruits, prendre les graines, les emmener ailleurs, ça va germer ailleurs, et du coup, nos perroquets, ils vont avoir davantage de ressources alimentaires. Bon, bref, ils gaspillent beaucoup plus intelligemment que nous. Ils ont une idée derrière la thèse. Ces perroquets. Philippe Hénarejos, des nouvelles de Mars ? Oui, sur Mars, vous savez, il y avait le mystère du méthane, qui était détecté épisodiquement par le robot Curiosity, mais qui n'était pas vu par les autres sondes. Et bien maintenant, il faut ajouter celui de l'oxygène. C'est toujours Curiosity qui est en première ligne, car en 3 années martiennes, c'est-à-dire l'équivalent d'à peu près 6 ans sur Terre, le robot a détecté une augmentation et une diminution de la quantité d'oxygène dans l'atmosphère supérieure à ce qui était attendu. Alors, normalement, avec une condensation d'une partie du CO2 qui représente quand même 95% de l'atmosphère martienne, au cours de l'hiver austral, on enregistre par simple conséquence une augmentation de la part des autres gaz qui sont minoritaires. Alors, cela marche pour tous, sauf pour le méthane et maintenant aussi pour l'oxygène, au point qu'on se demande s'il n'y a pas un mécanisme qui relâche de l'oxygène et un autre qui l'absorbe. Alors, l'oxygène et le méthane, évidemment, font penser à la vie. Mais je parie qu'il ne faut pas s'emballer comme à chaque fois. Il ne faut pas s'emballer. Ouais. Sur Mars, c'est une planète minérale. D'autres processus peuvent intervenir, notamment géologiques. Bref, l'enquête commence. Et nous en faisons d'ailleurs le récit détaillé et passionnant dans un article qui est à lire sur le site de cielespace.fr. Ciel et Espace, le magazine, vient de sortir hier avec en couverture. En couverture. Un dossier sur les premières galaxies de l'univers qu'on commence à voir grâce à des nouvelles méthodes d'observation. Vous avez 20 pages là-dessus, c'est délirant. Mathieu Novak, hashtag science pour Science et Avenir, le magazine jeune de Science et Avenir. Oui, si vous voulez que vos enfants décrochent de leurs jeux vidéo, notre nouveau numéro parle du futur des jeux vidéo pour les jeunes. Très bien, merci à tous les deux, Philippe Hénarejos et Mathieu Novak. En deuxième heure, nous allons partir en balade à la découverte des arbres de nos régions, en compagnie de Georges Fetterman, président de l'association Arbre. Il va nous parler de quelques spécimens remarquables et nous évoquerons aussi les découvertes récentes faites au sujet de ces êtres vivants immobiles aux capacités insoupçonnées. Like this is what your life like. Try to live the life right. People really know you push your buttons like type right. This is like a movie, but it's really very lifelike. Every single night, right? Every single fight, right? I was looking at the gram and I don't even like lights. I was screaming at my daddy, told me it ain't Christ-like. I was screaming at the referee, just like Mike. Looking for a bright light. Seagull, what your life like? Riding on a white bike, feeling like a sight fight. Pressing on the gas, supernova for a nightlight. Screaming at my dad and he told me it ain't Christ-like. But nobody never tell you when you're being like Christ. Only ever seeing me, only when they need me. Like if Tyler Perry made a movie for BT. Searching for a deity, now you wanna see it free. Now you wanna see it free, let you see it through your piece. Tell me what your life like, turn it down a bright light. Driving with my dad and he told me it ain't Christ-like. I'm just trying to find, I've been looking for a new way. I'm just really trying not to really do the fool way. I don't have a cool way, being on my best though. Lock up on the text though, nothing else next though. Not another word, letter, picture or a decimal. Wrestling with God, I don't really wanna rest so. Man, it's really lifelike, everything in my life. Arguing with my dad and he said it ain't Christ-like. Man. You know it's like somebody only close who could get you like off your. I be on my, I woke up this morning, I said my prayers, I'm all still good. I try to talk to my dad, get him some advice. He starts spazzing on me. I start spazzing back. He said, they ain't Christ-like. I said, ah! C'était Follow Go de Kanye West sur France Inter. Et juste après le flash, nous partons en balade à la découverte des arbres de France et de leur capacité insoupçonnée. À tout de suite!